Le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a lancé le 20 courant une déclaration qui dit notamment « Il y a quelques jours, à propos de notre mesure autodéfensive de renforcement des armements nucléaires, la traîtresse Park Geun-hye a fait bruit de l'accélération du suicide avant de déclarer convertir de l'étranglement extrêmement dur contre le Nord au changement du pouvoir du Nord dans le cadre de sa politique envers le Nord. » À cette fin, elle a donné l'ordre de faire appel au permanent système urgent de la session pour la sécurité nationale avec la détermination de mettre un terme au pouvoir du Nord, tandis que l'armée sud-coréenne va prendre toutes les mesures des représailles contre le Nord. Par ailleurs, le 21 septembre, aux questions-réponses entre la diplomatie et l'unification du Parlement et le gouvernement sud-coréen, le ministre de la Défense Han Min-gu a répondu sans vergogne sur l'ordre de la Maison Bleue qu'on est en train de fonder une troupe spéciale pour éliminer la direction suprême du Nord et que le Nord disparaîtra sur la Terre au moment de son attaque contre les États-Unis. Ce n'est pas par hasard que ce jour-là, deux bombardiers stratégiques nucléaires américains B-1B complètement armés, qui stationnaient à la base de l'aviation Anderson à l'île de Guam, ont fait le va-et-vient au-dessous de la zone de la ligne de démarcation militaire de Corée du Sud pour les exercices de larguer les bombes nucléaires, alors qu'un de ces bombardiers a atterri à la base de l'aviation Dosan. Les États-Unis déclarent que la première disposition en Corée du Sud d'un bombardier stratégique nucléaire vise à rehausser le degré de pression militaire à l'égard de la direction suprême du Nord. Effectivement, sur la mer, la flottille de frappe du porte-avions nucléaire américain Ronald Reagan se déplace au parage de la péninsule coréenne, alors que sous la mer, il y a un sous-marin américain à propulsion nucléaire. Voir, les États-Unis avaient lancé même un destroyer à ogive téléguidée dans les parages économiques de notre côté, qui s'est enfui en toute hâte devant la poursuite de notre garde-côte. Mandaté, l'état-major général de l'armée populaire de Corée proclame la position de contre-mesure militaire de principe de nos forces armées révolutionnaires face à la situation dangereuse. Les États-Unis et la bande traîtresse de Park Geun-hye ne doivent jamais oublier que nos forces armées révolutionnaires sont déjà entrées à l'état de combat à mort pour supprimer une fois pour toutes les manœuvres militaires téméraires visant le plan de première frappe contre le Nord. En fait, notre dissuasion nucléaire est destinée à mettre en pièces les simulacres de guerre nucléaire aventureuse des États-Unis qui nous menacent sans cesse avec le nucléaire de siècle en siècle. Mais tant que Park Geun-hye et sa bande introduisent des armements meurtriers de guerre nucléaire de leurs suzerains américains en faisant du vacarme autour de l'écroulement, du suicide et du changement à jamais irréalisable, elles ne peuvent point éviter nos frappes nucléaires, quoi qu'elle soit la nation coréenne. Si les États-Unis ne cessent à lancer B-1B dans notre espace aérien pour rehausser toujours la tension de la provocation militaire, nous enlèverons une fois pour toutes sur la Terre l'île de Guam, foyer de provocation. La campagne sud-coréenne d'élimination de la direction suprême du Nord n'entraînera que la démolition complète de la Maison Bleue et la mise en cendres de Séoul. L'introduction des armements nucléaires américains entraînera les bases militaires américaines de la zone d'opération du Pacifique dans un cauchemar nucléaire redoutable. Nous avons déjà averti que le seul moyen d'éviter les frappes mortelles de notre armée enragée réside à agir avec réserve sans porter atteinte à notre souveraineté et à notre sécurité. Washington et la Maison Bleue sont tenus de traiter au sérieux nos avertissements.